le développement même du pays, la transformation de ses structures, la mise en place d'une industrie, la réalisation de la révolution agraire, la généralisation de l'enseignement, l'émergence de forces nouvelles exige de plus en plus, d'une façon très logique, l'adaptation des modes d'organisation et des modes de structure à tous les niveaux. Dans cet entretien qu'il vous a accordé en 1995, Elikam Bokolo, le Mauritanien Mokhtar Ould Daddah définit les grandes lignes de sa politique économique.